إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Il fut rapporté dans les deux authentiques, les Sahihayn, min hadith Abi Sa'id al-Khudri, Malik ibn Sinan, radiallahu anhu. Ce noble compagnon, qu'il dit, qala Nabiullah sallallahu alayhi wa sallam, قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا qu'il y avait avant vous un homme qui avait tué 99 personnes فسأل عن أعلم أهل الأرض فضل على راهب et il interrogea à propos de l'homme le plus savant sur terre et lui fut indiqué de se rendre auprès d'un moine فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فَهَلَّهُ مِنْ تَوْبَةٍ Donc il se rendit auprès de lui, auprès de ce moine, et l'interrogea du fait qu'il avait tué 99 personnes. Est-ce qu'il avait le droit à un repentir, une tawbah? فَقَالَ لَا Il lui dit que non. فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِيَةً Donc il lui dit que non, et de là, l'homme tua ce moine, et compléta par cela le nombre de 100. ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمْ أَهْلِ الْأَرْضِ Fadullah ala rajulin alim. Puis, par la suite, il demanda encore à propos pour trouver l'homme le plus savant sur terre. Il lui fut indiqué de se rendre auprès d'un homme savant. Faqala innahu qatala miyata nafsin, fahal lahu min tawbah. Et il se rendit auprès de lui et l'interrogea du fait qu'il avait tué 100 personnes. Avait-il droit encore à repentir? Faqala na'am, wa man yahoulu baynahu wa bayna al-tawbah. Et cet homme, ce savant, lui répondit que oui, en effet. Et qu'est-ce qui donc ferait obstacle entre lui et sa tawbah et son repentir? Intaliq ila ard kaza wa kaza fa inna biha unasan ya'buduna Allah fa'budu Allah ma'ahum. Et lui dit, rends-toi auprès de la terre, telle et telle terre, tel endroit, telle contrée, car il se trouve des gens qui adorent Allah azza wa jal, alors adore Allah avec eux. Wa la tarji' ila ardik fa innaha ard su. Il lui dit, ne retourne pas vers ta terre, car c'est une terre mauvaise. فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّلِيقِ أَتَاهُ الْمَوْتِ Donc il s'en alla, et au moment où il arriva à mi-chemin, la mort lui parvint. فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ Et de là, les anges de la miséricorde et ceux du châtiment divergèrent à son sujet. فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ لَلَّهِ Donc les malaïka de la miséricorde ont dit que cet homme est venu repentant au cœur consacré vers son Seigneur, vers Allah Azzawajal. Il y a des divergères, qui c'est qui le prendrait? Est-ce que ce sont les malaïka du azab, du châtiment, ou ceux de la miséricorde? Puis, وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ إِنَّهُ لَمْ يَحْمَلْ خَيْلًا قَطْ Et les anges du châtiment dirent, il n'a jamais commis de bien. فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي سُورَةِ أَدَمِيِّنْ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ يَعْنِي حَكَمًا Donc de là, vint un autre ange, à l'apparence d'un humain. Et ils en firent un juge entre eux, entre les anges de la mort, du azab et les anges de rahma. فَقَالَ يَعْنِزَكَ الْمَلَكِ قِيسُ مَا بَيْنَ الْأَرَدَيْنِ وَإِلَى أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَى فَهُوَ لَهُ Donc il dit, mesurez distance entre les deux terres, c'est-à-dire la terre qu'il a quittée et la terre dans laquelle, vers laquelle il voulait se rendre, et celle dont il sera le plus proche, alors il y sera attribué à cette terre. فَقَاسُوا فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ Donc ils ont mesuré et ils ont trouvé que cet homme était plus proche de la terre qu'il voulait atteindre. Donc de là, ce sont les anges de la miséricorde qui le prirent. Naam. Donc ce hadith qui est immense, qui est plein de sens, j'aimerais, inshallah ta'ala, essayer d'en tirer, de citer aujourd'hui quelques fawa'id par rapport à ce hadith. Donc on va prendre ce hadith en s'arrêtant paragraphe par paragraphe باذن الله تعالى. اولا قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا, qu'il y avait avant vous un homme qui avait tué 199 personnes. Cela, premièrement, démontre la hikmah, la sagesse qu'il y a dans le fait de citer les histoires des communautés précédentes, de ceux qui nous ont précédés. Car il y a en cela une ibra pour nous, une leçon à tirer, d'accord ? Des leçons à tirer. Et cela également est considéré comme étant le tiers du Coran, car le Coran est divisé en trois. Premièrement, ce qui est relatif à Allah Azzawajal, son tawhid, c'est Asma wa Sifat. Ça, c'est un tiers. Comme les surat al-Ikhlas, elles représentent surat al-Qur'an, le tiers du Qur'an, comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième tiers, c'est ce qui concerne les ahkem, les awamir, les nawahi, les règles, les rites interdits, les interdictions, les obligations à l'évalika. Ça, c'est le deuxième tiers. Troisième tiers, c'est ce qui concerne les anbiya et leurs umam, c'est-à-dire les prophètes et les histoires qui leur sont arrivées avec leur peuple. Et là, ça rentre là-dedans. Pour que nous sachions le bien sur lequel ils étaient, pour ceux qui étaient sur le khayr, et éviter le mal, qu'on connaît les gens du mal, parmi eux. C'est pour cela qu'Azza wa Jalla, dans son livre Al-Karim, après qu'il citait bien nombre des anbiya précédents, قال أولئك الذين هدى الله فبهدى مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. Il dit cela, que Allah a guidé, donc pas leur guidé, c'est-à-dire suit leur trace, en parlant de ces autres prophètes. Et dit, je ne vous demande pas en cela de récompense, ce n'est juste un rappel, ce n'est juste qu'un rappel pour l'univers. Comme a qu'Allah Azza wa Jal, fil ma'ana. Et à tel point qu'il y a même eu un khilaf entre les imams de la sunna, est-ce que Sharman kana qablana, Shar'un lana, est-ce que les législations de ce qui était avant nous en sont une pour nous également. Lakin, là n'est pas le sujet de parler de ce khilaf. ثم قال صلى الله عليه وسلم قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال أنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة. Donc après il dit que justement qu'il ait tué ces 99 personnes, il l'a interrogé à propos de l'homme le plus savant sur terre et il lui fut indiqué de se rendre auprès d'un rahib, un moine. Il se rendit auprès de lui et l'interrogea du fait de cet acte. Est-ce qu'il avait droit au repentir? Cela démontre également le grand crime qu'est le fait d'ôter la vie sans droit. La vie que Allah Azzawajal a rendue interdite. Et que cela a été connu, cela a toujours été, et cela a commencé par les fils de Adam. Car le premier à avoir fait couler le sang injustement, c'est l'un des fils de Adam lorsqu'il tue son frère. Donc là, al-qatl biri al-haq, le fait de tuer sans droit, est cela parmi les plus grands des péchés. Qala Azzawajal, قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Qu'il est dit, venez, je vais vous lire ce que votre Seigneur vous a rendu interdit, c'est-à-dire qui vous a interdit de lui associer quoi que ce soit. Il vous a également exhorté à être bienfaisant envers les parents et de ne pas tuer vos enfants par peur de la faim, de la pauvreté. C'est nous, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal, c'est nous qui vous octroyons votre subsistance ainsi qu'à eux. Et n'approchez pas les turpitudes, ce qui en est apparent ou caché. Et ne tuez pas la vie que Allah a rendue interdite sans droit. Voici ce dont à quoi nous vous exhortons, afin que vous raisonniez. Fada wa shahib nil aya. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. Ne tuez pas la vie sans droit, la vie que Allah a rendue interdite. Et fut rapporté de Ibn Mas'ud qu'il a dit: من اراد ان ينظر الى وصيه محمد صلى الله عليه وسلم فليقرا قوله تعالى فذكر هذه الايه. Ibn Mas'ud il a dit, celui qui veut voir quel était le testament de Mohammed صلى الله عليه وسلم, ce sur quoi il est mort, qu'il lise ce verset et reste ce verset là. Également, le fait de tuer sans droit fait partie des péchés les plus, capitaux, les sept. Comme a dit dans le hadith d'Abi Huraira, dans le Sahihain, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ijtanibu as-sab' mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hiya? Qala ash-shirk billah wa as-sihr wa qatl an-nafs allati harama Allah wa akl ar-riba wa akl al-mal yatim wa at-tawalli wa az-zahf وقصف المحصنات المؤمنات الغافلات. Qu'il est dit, sallallahu alayhi wa sallam, éviter les sept moubiqat, qui traduisent par péché capitaux, les plus grands péchés. Et il dit, oh, messager d'Allah, et que sont-ils? Il dit, le shirk, en premier lieu, l'association, la sorcellerie, le fait de tuer la vie que Allah a rendue interdite, le fait de consommer du riba, de l'usure, et le fait de manger l'argent de l'orphelin, et le fait de tourner le dos le jour de la rencontre avec l'ennemi, et le fait d'accuser injustement les croyantes chastes et inattentives. Donc là, le shahid, le fait de tuer la vie que Allah a rendue interdite. وجاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة الدماء. Que la première chose entre laquelle les gens seront jugés le jour de la résurrection, c'est le sang, c'est-à-dire les vies. Qui a tué qui et pourquoi il a tué. Donc là, c'est un crime qui est immense et qui concerne les musulmans et également les kuffars. Car il y a des kuffars, voyez, on n'a pas à les tuer, cela n'est pas permis. Bien que le fait de tuer un musulman est bien plus grave encore. Mais il y a des kuffars qui ont un pacte, qui ont des droits et dont la vie est préservée. Et cela, ces droits sont préservés selon des normes de la charia, basées sur la législation, qui ne reviennent pas à nous-mêmes de pouvoir juger, de pouvoir les établir. Comme font beaucoup de djuhels qui prétendent vouloir faire le djihad et qui en cela tombent dans des actes terroristes. Du fait qu'ils se mettent à tuer des gens sans droit, qu'ils soient des musulmans, qui sont les plus fréquents, ainsi que des kuffars. Et cela n'amène que du mal à la Ummah, ainsi qu'à ces gens-là eux-mêmes. Et le prophète, le fait de préserver la vie, c'est parmi les principaux points, on dira même, fait partie des cinq daruriyat, les cinq points essentiels pour lesquels sont venus la religion. Le fait de préserver la vie, le droit de vivre. Et que celle-ci ne saute que dans des situations, des circonstances précises, avec des preuves concrètes. نعم يا عباد الله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن أعلم أهل الأرض. Et il se mit à interroger et demanda qui était l'homme le plus savant sur terre. Donc là on voit quoi, le rujou' ila ahli al-ilm, le fait de revenir vers les savants pour les questions, et qu'il convient et qu'il incombe au questionneur de rechercher la personne qui lui paraît comme étant la plus proche de la vérité selon les normes également de la législation, qui reviennent vers les vrais savants pour les questionner sur les choses qui les posent problème. Comme a dit Azza wa Jal, fas'alou ahl al-dhikr in kuntum la ta'lamoun, et demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Wa kadhalik selon Ibn Abbas, comme a dit fi 'inda Abd al-Razzaq, qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam lam yakun shifa al-'i as-su'al. Il a dit que le remède à la maladie, c'est-à-dire que l'ignorance, n'est-ce pas la question, le fait de questionner, c'est-à-dire les gens aptes à répondre. Donc de là, قال صلى الله عليه وسلم فدل على راهب. Les gens lui indiquèrent un moine. Et le راهب, à la base, c'est parmi les suiveurs de Isa alayhi salam, qui ont innové. Et eux, la base chez eux, c'est que ce sont de grands dévots dans l'adoration et des grands ignorants. Comme cela va apparaître. ثم قال صلى الله عليه وسلم فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا فقتله فكمل به المية. Donc il s'est rendu auprès de lui, il l'interrogea du fait qu'il avait tué 99 personnes. Et cet homme, il lui dit est-ce qu'il avait droit de repentir. Cet homme lui dit que non. Et de là, il le tua. Il tua ce moine. Et compléta par cela le nombre de 100 victimes. Donc de là, ça nous démontre le grand péril et la dangerosité qu'est l'ignorance. Car ce rahib, ce moine, a émis une fatwa, un avis juridique de ce dont il n'avait pas de science. Et fut éprouvé par son ignorance, du fait que cela fut la cause de sa perte, de sa mort. Et comme cela a été cité précédemment, que l'ignorance, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a comparé à une maladie, une infirmité. Et cet homme en fut atteint. Et qu'à la maladie, il est connu que cela nuit à celui qui en est atteint, qui en est contaminé. Et que bien même cette maladie, si elle se propage, peut contaminer et atteindre les autres également. Et son seul ilaj, son seul remède, c'est à la bal'in. Bar tawfiq Allah azza wa jal, le fait d'apprendre, de rechercher la science, légiférer. Donc là, ce rahib est tombé dans une grande transgression qui est le fait de parler sur Allah sans science. Comme a dit Azza wa Jal, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ وَالْإِثْمِ وَالْبَغِي بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ نَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Qui dit que Allah, dans le sens où il dit que mon Seigneur n'a fait qu'interdire les turpitudes, ce qui n'est apparent ou caché, ainsi que le péché, ainsi que l'injustice sans droit, et le fait que vous associez à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et que vous disiez sur Allah ce que vous ne savez pas. Donc là, le fait de parler sur Allah de ce qu'on ne sait pas, cela est parmi les pires des choses. Et Allah, Azzawajal, dans son livre, a incité son messager à lui demander un surplus de science, comme a dit Azzawajal, « Qul, Rabbi, zidni ilma » dit « Oh, mon Seigneur, ajoute-moi de la science. » Kazalik, Allah a mis en garde ses messagers contre l'ignorance, comme a dit Ta'ala, « Qal ya Nuh, innu laysa min ahlik, innu amalun ghayr salih, fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm, inni u'idhuka an takuna min al-jahilin. » Lorsqu'il dit à Nuh, qui interroge à propos de son fils, il dit que cela, que lui n'est pas de ta famille, que cela n'est pas une œuvre de bien. Ne m'interroge pas à propos de ce dont tu n'as pas de science, et certes, je t'exhorte de ne pas être du nombre des ignorants. Wa qala ta'ala, wa la takfu ma laysa laka bihi ilm, et ne recherche pas ce dont tu n'as pas de science. Car Allah déteste cela. Comme cela vient dans la suite du même verset, ou plutôt dans la même sourate, après qu'il citait un bon nombre de choses que Allah a rendues interdites, قال في الآخر كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها, que tout cela était mauvais et détesté auprès de ton Seigneur. Et parmi elles, le fait de rechercher, ou plutôt le fait de parler de ce dont on ne connaît pas, dont on n'a pas de science. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était interrogé à propos d'une chose, de la législation dont il n'avait pas encore reçu la révélation, il disait « Ma adri, je ne sais pas ». Et il attendait que cela lui vienne. Wa qad akhraja al-Imam Ahmad fi musnadihi an Masruq an Abi Mas'ud annahu sami'ahu yaqul ya ayyuha an-nas man 'alima shay'an minkum falyaqul wa man lam ya'lam falyaqul lima la ya'lam Allahu a'lam fa inna min al-'ilm min 'ilm al-mar'i an yaqula lima la ya'lamu Allahu a'lam. Ô vous les gens, celui qui a su une chose alors qu'il le dise, et celui qui ne sait pas alors qu'il dise à propos de ce dont il ignore, Allah a'lam, que Allah est plus savant. Car il fait partie de la science de la personne, le fait de dire à propos de ce qu'il ne connaît pas, Allahu a'lam. Et comme les gens de science l'ont dit, le fait de dire Allahu a'lam, c'est la moitié de la science. Wa qala ta'ala linabihi, qul ma as'alukum 'alayhi min ajr wa ma ana min mutakallifin. Que Allah, dans le sens, il dit à son prophète, dit, je ne vous demande aucun salaire et je ne suis pas du nombre des imposteurs. Mutakallifin, des choses, des gens qui s'imposent des choses qui ne leur reviennent pas. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى أي أدعي أمرا ليس لي وأكف ما ليس لي به علم ولا أتبع إلا ما يوحى إلي. Dans son tafsir al-Sa'di, il a dit رحمه الله تعالى, par rapport à ce verset, c'est-à-dire que je prétends une chose dont je n'ai pas connaissance, une chose qui ne me revient pas, et que je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. هذا معنى متكلف في هذه الآية. Et ça, ce qui concerne le sahib, celui qui a un jahl, basit, une ignorance de base. Lui n'est pas blâmé tant qu'il fait les causes pour pouvoir rechercher la science. Le vrai blâme, c'est pour le jahl et murakkab, celui qui a un jahl, une ignorance amplifiée, c'est-à-dire celui qui ne sait pas et qu'il pense qu'il sait. Celui-là est blâmé dans son acte, car il parle avec ce qu'il ne connaît pas. Et ça, c'est parmi les fléaux de cette époque. Combien de gens émettent des fatwas dans ce dont ils ne sont pas aptes, dans les choses qui reviennent à la darwa, dans l'enseignement, dans le fait d'écrire des ouvrages. Et après, les gens reviennent vers eux. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى لم يبقي عالما اتخذ الناس جهالا فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Comme cela vient dans le hadith de Abdullah ibn Amr, que le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit que Allah n'enlève pas la science en l'enlevant directement des poitrines des gens, cependant par la mort des savants, à tel point que Allah ne laissera aucun savant et que les gens viendront prendre des gens ignorants pour les interroger. Et ces gens-là, ces ignorants, leur feront des fatwas sans science. Ils s'égareront et égareront autrui. Également dans ce hadith, dans cette partie, on voit le fait que les gens, comme ces gens l'ont indiqué, un moine, un ignorant, alors qu'il demandait un savant. Ce qui prouve que ce n'est pas tout ce que les gens, vers qui les gens reviennent de façon générale, qui est forcément l'homme de référence. Les gens indiquent beaucoup de gens qui ne sont pas tels que ces gens se l'imaginent. Ils se font impressionner par leurs adorations, par leur comportement apparent, par leur éloquence dans le parler. Alors qu'en réalité, c'est une personne qui n'a pas de science ou qui n'a pas le niveau de science que les gens lui attribuent. Et cela amène à quoi? Amène à l'itra, le fait de faire des éloges, exagérer, de faire des teskiyas hors contexte, alors que les teskiyas, les vrais teskiyas, on se base sur les actes de la personne et pas sur ce que les gens disent de lui. Et ils se mettent à dire un tel c'est un shaykh, un tel c'est un alim, un tel c'est ceci, c'est cela. Et les gens se mettent à le suivre. Donc ne pas se faire leurrer par tout ce que les gens disent à propos des gens de science, car ce n'est à la réalité, en réalité, le savant, c'est le savant qui sait, qui connaît qui est le savant. Comme a dit Anbar al-Salaf, l'ignorant ignore sa propre ignorance. Donc comment connaîtra-t-il la science des autres? Comment connaîtra-t-il la science des autres? Donc ce hadith-là indique cela. Ce n'est pas tout ce que les gens te disent et t'indiquent qui est forcément la personne de référence. Fuma qala sallallahu alayhi wa sallam fa qatalahu fa kammala bihi al-mi'a. Donc il le tua et est complétant cela le nombre de 100. Cela démontre également le danger du désespoir, de la miséricorde d'Allah azawajal, et que cela est parmi les sifat des qawms dhalin, des peuples égarés, comme encore Allah ta'ala fi qissat Ibrahim, l'histoire d'Ibrahim avec ses invités, lorsqu'ils lui annoncèrent les anges. Quand Allah ta'ala, qalu basharnaka bil haqq fala takum min al qanitin, qala wa man yaqnutu min rahmati rabbihi ila dhalun. Ils lui dirent, les anges, nous t'annonçons la vérité, alors ne sois pas du peuple de ceux qui désespèrent. Lorsqu'ils annoncèrent qu'il allait avoir un fils, et que lui, à son âge, il en fut surpris. Et il dit, et qui donc désespère de la miséricorde de son Seigneur, hormis le peuple dégaré. Donc celui qui désespère de la miséricorde d'Allah Azzawajal va amplifier dans son mal. Car il pensera que cela ne lui est pas accepté, donc il se dira, je continue. Ce qui fut le cas de cet homme sur le coup, bien que par la suite, alhamdoulilah, il se reprit, comme cela va arriver. ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم. Ensuite, il interrogea à propos de l'homme le plus savant sur terre. Et les gens lui indiquèrent un savant. Cela démontre quoi également? Le mérite de la persévérance dans le bien, de ne pas abandonner, de ne pas baisser les bras. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة استعن بالله ولا تعجزن. Que le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit, recherche de l'aide auprès d'Allah et ne baisse pas les bras. Continue, persévère. Si une porte se ferme, Inch'Allah, une autre s'ouvrira. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Inna ba'dal usr yusra. Après la difficulté, la facilité. Il faut que la personne persévère pour arriver à son objectif, sans que cela est dans le bien. Et bien sûr, après le qadar d'Allah azawajal. Et il fut, tout l'œuvre de Shamokbil rapporte de lui qui disait souvent, Man fabat nabat. Que celui qui perdure, il enverra les fruits. Il deviendra profitable aux autres. Mais il faut qu'il perdure et qu'il persiste et qu'il continue. Naam. Al-baraka fil istimrar. Thumma qala sallallahu alayhi wa sallam. Fa qala lahu innahu qatala 100 nafsin. Fa hal lahu min tawbah? Fa qala lahu naam. Puis il dit à cet homme, à ce savant qu'il avait tué 100 personnes. Avait-il droit à repentir? Et cet homme lui dit que oui. Et cela démontre également que tu as des gens qui sont dans les péchés et dans les désobéissances. Mais malgré cela, il reste déterminé à vouloir se rattraper, et à vouloir se corriger, et à vouloir faire tawba. Et si jamais tu sais cela de ces personnes-là, alors tu te dois de les aider autant que tu peux, et ne pas les rejeter. Et ne pas être un soutien de shaitan contre lui. Cela fut rapporté qu'il y avait un homme à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelait Abdullah, qui était surnommé Himar, et qui faisait rire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était un homme qui buvait de l'alcool. Et une fois, justement, il fut... ramener le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était ivre. Fa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam comme a déjà fait hadith Abi Huraira عند البخاري qala idribuhu. Fa qala Abu Huraira fa minna adh-dharib bi yadihi wa dharibu bi na'lihi wa dharibu bi thawbihi. Fa lamma insarafa qala ba'd al-qawm aghzak Allah. Fa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam la taqulu hakadha la tu'inu alayhi shaytan. Lorsque cet homme fut rapporté auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était ivre, le prophète il a dit frappez-le. Abu Huraira dit que parmi nous, certains le frappèrent de sa main, d'autres avec leurs chaussures, d'autres avec leurs vêtements. Et lorsqu'il s'en alla, après que cela fut terminé, certains lui dirent qu'Allah t'humilie à cet homme-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne dites pas cela. Et ne soyez pas un aide de shaitan contre lui. Et également, il fut connu que cet homme-là aimait Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam, comme lui-même le déclara. Donc là, il s'agit d'une personne qui fut attrapée en train de commettre une désobéissance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'aidez pas Shaitan contre lui. Alors qu'en est-il de quelqu'un qui vient de lui-même, désireux de se repentir et de se rattraper. Il est encore plus en droit d'être aidé et d'être soutenu. ثُمَّ قَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَكَ الْعَالِمُ وَمَاذَا يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ Et qu'est-ce qui fera obstacle donc entre lui et la tauba? Et cela indique que Allah Azza wa Jal accepte la tauba du serviteur, quoi qu'il ait fait, comme péché tant qu'il est sincère en cela. كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Que certes Allah ne pardonne pas quoi que ce soit, mais il pardonne en dehors de cela à qui il veut. وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Qu'il le dit عز وجل dit ô mes serviteurs, ceux qui ont commis de l'excès envers eux-mêmes dans le mal, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Car certes, Allah pardonne tous les péchés. Tous les péchés. Qu'il est certes le pardonneur et le miséricordieux. Wa ja fi hadith Ibn Abbas radiallahu anhu, anna nasan min al shirk kanu qad qatalu fa aktharu wa zanu wa aktharu fa atou Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam fa qalu inna allazi taqulu wa tad'u ilayhi la hasan fa nazala والذين لا يزنون والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وأنزل الله كذلك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الآية. Dans ce hadith, selon Ibn Abbas, que des gens, parmi les gens du shirk, avaient beaucoup tué et avaient beaucoup forniqué. Puis se rendit auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, certes, ce à quoi tu appelles ce que tu dis est un bien. Peux-tu nous informer d'une chose qui fera office d'expiation de ce que nous avons commis comme mal? Et de là, Allah Azza wa Jalla fit descendre le verset dans le sens où il dit « Ceux qui n'invoquent pas avec Allah une autre divinité et qui ne tuent pas la vie sans droit que Allah a rendu interdite et qui ne font pas de fornication. » Le verset. Et ensuite, il descend dans le verset qu'on vient de lire précédemment qui est « Ô mes serviteurs, ceux qui ont commis de l'excès envers eux-mêmes. » Pour dire que la porte du tawbah est toujours ouverte tant que le soleil ne se lèvera pas de son couchant. Et que le serviteur n'est pas dans l'agonie de la mort, de tous les péchés. Et les preuves sur la tawbah sont très nombreuses. ثم قال صلى الله عليه وسلم قال ذاك العالم انطلق إلى الأرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبدوا الله معهم ولا ترجع لأرضك فإنها أرض السوء. Que cet homme lui a dit, rends-toi auprès de telle et telle terre, car il se trouve des gens qui adorent Allah Azza wa Jal. Alors adore Allah avec eux et ne retourne pas vers ta terre, vers ta contrée, car c'est une contrée de mal. Ici, plusieurs points à prendre dans ce paragraphe. À Walen, il faut savoir une chose, que la tawbah n'est pas acceptée dans l'absolu, mais elle a des conditions. Comme zakaraha l'imam al-Nawawi, rahmallahu ta'ala. Qala, parmi les conditions de la tawbah, an yaqla' an al-ma'siyah, qu'il cesse le péché sur le champ. An yandam ala ma fa'ala, qu'il regrette ce qu'il a commis. An ya'zam ala ya'udu ilayha abada, qu'il soit déterminé à ne plus recommencer. Même s'il recommence, mais qu'il ait la vraie intention de ne pas recommencer, cela est parmi les conditions de la tawbah. Soit ce sont les trois principales conditions de la tawbah. Et si jamais l'une des conditions est perdue, la tawbah n'est pas valide. Wa kadhalik, que si jamais la marsiya concerne le droit d'un humain, qu'il faut lui rendre. Et qu'il faut que la personne s'en délie. Car Yawm al-Qiyama lui rendra les comptes. Également. Et de là, il m'est arrivé un mushkila, un problème par rapport à ce hadith, en le méditant, qui est que cet homme était parmi les gens de Bani Israël et parmi ceux qui sont venus après Isa alayhi salam. Il est connu que la tauba, dans le fait de tuer volontairement un croyant, cela équivaut au qisas, le talion, ou alors le fait de payer le sang. Et dans la Torah, chez les gens du livre d'avant nous, il y avait le qisas, le talion qui était écrit, qui était prescrit comme Allah Azza wa Jal. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ الْآيَاتِ. Nous avons écrit dans la Torah sur eux que la vie est pour la vie et l'œil est pour l'œil. Et ainsi de suite. Donc cela était parmi leur législation. Donc comment cet homme-là lui est-il permis de partir alors qu'au minimum, le rahib qui l'a tué était un croyant. Le dernier qui l'a tué était un croyant. Donc comment lui est-il permis, tout simplement en faisant la hijra, que ce meurtre lui soit expié? Et cela m'a posé un problème. Et la seule réponse que j'ai trouvée, c'est celle de Hafiz ibn Hajar, dans le Fath, qui a donné une hypothèse en disant, rahimahullah ta'ala, في الحديث مشروعية التوبة من جميع الكبائر حتى من قتل الأنفس ويحمل على أن الله تعالى إذا قبل توبة القاتل تكفل برضا خصمه. Qu'il est dit que ce hadith indique qu'il est légiféré de faire tauba des plus grands des péchés. Et que même celui qui aura tué, c'est-à-dire qui aura commis des meurtres, cela peut être interprété du fait que Allah Azzawajal, s'il accepte sa tauba, c'est du fait que lui se charge de l'agrément du tué. C'est-à-dire que Allah, c'est comme si Allah garantissait que le tué allait pardonner à cet homme-là. C'est tout ce que j'ai pu trouver comme réponse par rapport à cela. Donc la question reste toujours embrumée pour moi. Quoi qu'il en soit, cet homme lui fut donné des conditions pour que sa tauba soit complète. Dont le fait de partir. Wa kadhalik, parmi les points à retenir dans ce paragraphe, le mérite de la science sur l'adoration. Car cet homme qui lui a mis cette fatwa était un vrai savant. Du fait qu'il s'est consacré à la science, contrairement au rahib qui lui était un moine, qui s'était plus concentré à l'adoration. Donc cela prouve bien que le consacrement à la science est meilleur que celui à l'adoration. Car le alim yanfa nafsa wa ghayra bi khilaf al abid alladhi la yanfa illa nafsa. Le savant profite à lui-même ainsi qu'à autrui, à des sociétés entières, alors que le dévot ne se profite qu'à lui-même. Le dévot ne se profite qu'à lui-même. Parmi les points également cités, le fait qu'il faut s'éloigner des lieux qui ont été la cause du péché. Comme le hafiz fil fath qala rahimahu ta'ala فيه إشارة إلى أن التائب ينبغي له مفارقة الأحوال التي اعتداها في زمن المعصية والتحول منها كلها والاشتغال بغيرها. Que cela indique que la personne qui fait tauba doit s'éloigner de toutes les situations dans lesquelles il était lorsqu'il a commis cette désobéissance. Et s'en éloigner, s'en déplacer, et s'occuper par autre qu'elle. On peut rajouter également à cela dans la tauba, pour qu'elle soit plus complète, il y a des choses qui suivent ces conditions-là, le fait de délaisser ce qui était une cause de la tomber dans ce péché, même s'il s'agissait d'une chose qui était permise tant qu'elle n'est pas indispensable pour accomplir une obligation. Et selon, suivant la règle, qui est « Anna al-wasail la hukm al-maqasid » que les moyens prennent le jugement des objectifs à atteindre. Et كذلك, là j'aimerais mettre une faïda de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah par rapport à la tauba, dans laquelle il fait un tafsil pour celui qui entrerait en islam par rapport au péché précédent. Yani, je vais directement la traduire par souci de gain de temps. La référence, c'est Majmou' al-Fatawa, volume 11, page 101 à 102. Lorsqu'il dit qu'il fut interrogé à propos du chrétien et du juif, si jamais ils se convertissent, est-ce que leurs péchés précédents restent valides, ou sont effacés plutôt? Il dit, que si jamais ils se convertissent, ils se soumettent, yani intérieurement et extérieurement, c'est-à-dire complètement, du kufr, il est certain que leur mécréance leur est pardonnée. Et là, il n'y a aucun khilaf par rapport à cela. Quant au péché qu'ils commettaient auparavant, il dit, cela, il y a un détail à faire. Si jamais ils perdurent ce péché, même après l'islam, dans ce qui concerne l'injustice ou des turpitudes ou autres, et qu'il n'en fait pas tauba, certains parmi les savants disent que cela lui est pardonné. Et d'autres disent que cela ne lui est pas pardonné et qu'il ne lui est pardonné que les péchés dont il avait été au bas. Et la preuve de cela, c'est le hadith d'Ibn Mas'ud dans les Sahihain. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à lui, « Quand le man ahsana fil islam, lam yu'akhaz bima amila fil jahiliya, wa man asa fil islam, ukhiza bil awwal wal akhir. » Qu'il fut interrogé sallallahu alayhi wa sallam, « Est-ce que nous serons également repris ce que nous avons commis dans la jahiliya avant l'islam? » Il a dit, celui qui a fait un bon islam, rien ne le sera repris d'auparavant de la jahiliya, tandis que celui qui aura fait un mauvais islam, il sera repris pour ce qu'il a fait auparavant et par la suite. Donc là il dit que husn al-islam, qu'est-ce que cela veut dire par là? C'est-à-dire que le fait qu'il se tienne sur un islam authentique de ce que Allah Azza wa Jalla lui a imposé, le fait d'accomplir les obligations et de délaisser les interdits. Et là, ça revient qui est la tauba générale par rapport à cela. Et de là, il sera pardonné ses péchés. Celui qui entre dans un vrai islam complet, tous ses péchés sont pardonnés. Et c'est comme ça qu'était l'islam des précédents, des salafs. Husn al-islam, l'islam al-hasan, le complet. C'est pour cela qu'il dit que ce qui explique le hadith lorsqu'il fut interrogé, le hadith de Amr ibn As, قال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله N'as-tu pas su que l'islam supprime et annule ce qu'il a précédé, c'est-à-dire comme péché et comme situation. Et le shir dit qu'en fait, l'islam dont parle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là, c'est le bon islam. L'islam là dont il parle, dans ce hadith-là, que l'islam annule tout ce qu'il y avait auparavant, c'est le bon islam qui était connu auprès d'eux à cette époque-là. Donc il dit que celui qui se soumet à Allah azawajal, mais qui ne fait pas tawbah de ses péchés qu'il faisait auparavant et continue dessus, ces péchés-là ne sont pas pardonnés. Donc ça, c'était une faïda externe par rapport à la mas'ala. Naam. Donc pour revenir au hadith, également on y voit que cela est parmi les plus grandes preuves de l'obligation de la hijra, comme cela est connu auprès de vous. Car cet homme a commis ses péchés du fait qu'il était présent en cette terre, en cette contrée, qui était une contrée de gens de mal. Et que même s'il était resté en une vraie tawbah, les plus grandes probabilités c'est qu'il recommencerait, comme cela est connu. Cela est connu qu'une personne qui arrête un mal, mais qui reste au milieu du mal de ses causes, retombe souvent dedans en général. Donc qu'en est-il de quelqu'un qui reste dans une terre de kufr? Il est exposé à apostasier, et même s'il n'apostasie pas, il est exposé à affaiblir sa religion. Et combien ont été déterminés à devenir des gens mustaqimines sur la droiture, mais cependant n'ont pas pu se débarrasser de bien des marsiyas qu'ils ont fait du fait qu'ils étaient au milieu de ces marsiyas, de ces péchés. À l'exemple de quelqu'un qui serait, un exemple, imagé dans un bar d'alcool, il dit j'arrête de boire, mais il reste dans ce même bar. Pensez-vous qu'il va longtemps tenir comme ça? Au bout d'un moment, il va recommencer, probablement. Cela me rappelle une histoire que j'ai connue quand j'étais encore en France à l'époque, que certains des frères que je connaisse ont déjà entendu de moi. J'avais rencontré un petit jeune qui s'était converti également à l'islam. Et on parlait, on discutait lui et moi, et il dit, je lui dis, Alhamdoulilah, tu es sur le stikama, et kaza, et kaza, et kaza, car il était sur le ménage salafi. Il me dit, tu ne sais pas toi, en réalité, je suis sur une phase de retour. Je lui dis, en fait, là, je reviens. Ça fait longtemps que je me suis converti, un moment, mais auzubillah, du fait que j'ai écouté une chanson fut un temps, et cette seule chanson, elle toute seule, m'a fait retourner en arrière, j'ai tout lâché. Et là, je suis en train de me repentir de revenir. Donc regardez, ce frère, à cause d'une chanson qu'il a entendue, d'un artiste qu'il aimait beaucoup, une chanson il a entendue, celui-là lui a fait revenir sur ses pas en arrière. Wallah azubillah. Après, il était moins fort du fait que, alhamdoulilah, il a pu se reprendre. Mais ce n'est pas tout le monde à qui Allah accorde ce tawfiq de pouvoir revenir. Ou d'essayer de revenir. Donc on doit s'éloigner des choses qui amènent à un mal, d'accord, et également s'éloigner des anciennes fréquentations qu'on avait auparavant, tant que ces gens-là ne viennent pas sur le khayr. Tout particulièrement pour ceux qui sont nouveaux dans l'estikama, dans la droiture, tout ce qu'ils faisaient auparavant parmi les choses qui le freinent, qui le tirent en arrière, qu'ils les délaissent, qu'ils aillent de l'avant. Car les gens qui sont sur le mal auront tendance à essayer de te ramener vers eux. Comme l'a cité Allah Azzawajal par rapport aux gens de la caverne. قال تعالى إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدكم في ملتهم فلن تفلحوا إذا أبدا. Lorsque les gens de la caverne sont sauvés de leur peuple. Pourquoi? Dans le sens où Allah dit, car si certes ils vous trouvent, alors soit ils vous lapideront, ou soit ils vous feront retourner dans leur religion, et alors vous ne réussirez jamais. Donc là ils sont sauvés, pourquoi? Pour ne pas retourner en arrière. Bien évidemment, à notre époque, les gens ne font pas de torture physique, mais il y a d'autres procédés qui existent, des pressions, des harcèlements, ou même par la dounia, des choses qui font que tu risques de craquer et de retourner en arrière. Et que le milieu dans lequel la personne vit est parmi les plus grands points qui seront soit contre lui ou soit pour lui. Bismillah ta'ala. Donc la personne doit également, comme le prouve ce hadith, trouver les bonnes fréquentations. Car cet homme lui indiquait d'aller à un endroit où il y a des gens qui adorent Allah azawajal, d'adorer Allah avec eux. Comme a dit fait hadith, radhiyallahu anhu, qu'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mathal al-jalis, الصالح والجالس السوء كمثل صاحب المسك وكيل الحداد لا يعدمك من صاحب المسك إما أن تشتري وما تجد ريحه وكيل الحداد يحرك بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة حديث متفق عليه que le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit que l'exemple de la bonne fréquentation de la mauvaise c'est comme l'exemple du forgeron et celui du vendeur de parfum. Le vendeur de parfum au minimum soit tu achètes de lui du parfum ou soit alors tu trouves une bonne odeur en restant à côté de lui. Alors que le forgeron, lui, soit il risque de brûler toi ou ton corps, ou au minimum tu trouveras une mauvaise odeur en restant auprès de lui. Au minimum tu trouveras une mauvaise odeur en restant auprès de lui. Également parmi les points importants à retenir par rapport à cela, fihi tahqiq at-tawhid. La chose pour laquelle Allah Azza wa Jalla nous a créé. Comme a dit Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Qu'elle lui a dit de se rendre dans cette terre-là, pourquoi? Pour adorer Allah Azzawajal. Également, cela démontre que le point fondamental de la hijra vers Allah Azzawajal, c'est justement le fait de réaliser le tawhid, de le concrétiser. Et même lui-même, Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, dans son kitab Tawhid, son grand kitab, a fait un chapitre pour cela. Qala bab, celui qui aura réalisé le tawhid, concrétisé le tawhid, rentrera au paradis sans rendre compte ni péché. Et il a pris comme dalil en cela le hadith d'Ibn Abbas à propos des 70 000 qui entreront au Jannah sans châtiment et sans rendre compte. Manuhum, qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, هم الذين لا يستلقون ولا يكتهون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. Qui sont ceux qui ne demandent pas qu'on en fasse ruqya, ni ceux qui utilisent le remède par cautérisation, ni ceux qui font preuve de mauvais augure, mais ceux qui placent leur confiance totale en Allah Azzawajal. Et la hijra, هي عنوان التوكل. La hijra, c'est le symbole du tawakkul, de la confiance en Allah Azzawajal. Également, on y retient quoi? Que le but principal de cette hijra, son point fondamental, c'est justement l'adoration d'Allah Azzawajal. Quand il lui a dit, Urbudillah ma'ahum, adore Allah avec eux. C'est-à-dire, tu pars là-bas pour adorer Allah Azzawajal. Contrairement à ce que beaucoup de gens s'imaginent qui ont une vision matérialiste de la hijra. Lorsqu'ils pensent à hijra, ils pensent directement déplacement corporel avec une vie similaire. Trouver un travail, trouver des écoles pour les enfants, trouver des hôpitaux, trouver les droits, trouver telle et telle chose. Ils ne pensent pas en premier lieu, est-ce que là-bas je pourrais adorer Allah Azzawajal en toute liberté, comme se doit dans moi-même et dans mes enfants, dans ma personne et dans ma famille. Leur première préoccupation, c'est leur installation et le mode de vie qu'ils vont avoir par rapport à la dounia et non pas par rapport à la religion. Et ça, c'est une grande erreur. C'est pour cela que tu verras souvent que ces gens-là sont amenés à ne pas tenir à revenir sur leurs pas. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué pour ses sahaba, ses compagnons, que Allah les raffermisse dans leur hijra. Comme a dit le hadith Sa'd ibn Abi Waqqas, fi akhirihi, al-muttafaqun alayhi, qu'a dit sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma imdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim. Qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam, ô Allah, fais perdurer la hijra de mes compagnons et ne leur envoie pas en arrière. C'est-à-dire qu'ils ont fait la hijra, qu'ils tiennent dessus, qu'ils ne reviennent pas en arrière. Et pour cela, dans ce même hadith, ce qui confirme cela, c'est Alim a dit à cet homme, ne retourne pas vers ta terre. Ne retourne pas vers la terre. Du fait que tu as fait la hijra, ne retourne pas en arrière. ثم قال صلى الله عليه وسلم فانطلق حتى اذا نصف الطريق اتاه الموت. Qu'il ait dit صلى الله عليه وسلم qu'après il s'en alla et lorsqu'il arrivait à mi-chemin la mort lui parvint. Cela démontre que la mort vient à n'importe quel moment. Elle vient soudainement sans même que l'on s'en rende compte. Comme on dit, la mort ne prévient pas avant de venir. En général, à part une personne qui aurait un cas spécifique. Combien de gens sont dans les projets nuit et jour, ils pensent à leur avenir, à leur dunya, et ne pensent pas à leur avenir après la mort. Ne prépare pas ce qu'il y a pour après la mort. Car c'est la chose la plus importante, en réalité. Car c'est là qu'est la vraie vie, après la mort, en réalité. Quant à celui qui, hamdoulillah, ou à la ta'atillah, sur l'obéissance d'Allah Azzawajal, sur le stiqama et dans le rappel, inshallah, même si la mort lui vient, il est parmi les gens de la sa'ada. Kama qala l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, par rapport à celui qui viendra à mourir. Qala, in mata la sunnah, فلا تحزن عليه فإنه مات على الخير كله. Il a dit, si jamais l'homme de la sunna, de l'obéissance, de la droiture, meurt, alors ne sois pas attristé de son sort, car il est mort sur le bien total. ثم قال صلى الله عليه وسلم فاختصمت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. Que les anges de la miséricorde et ceux du châtiment divergèrent à son sujet. Cela démontre également, comme l'a cité l'imam Shankiti rahmallahu ta'ala, que bien que l'ange de la mort, Malak al-Maut, est celui à qui est confié de prendre les âmes, cela prouve qu'il n'est pas seul à agir, qu'il a des anges qui l'aident en cela. لِيَنَّ اللَّهَ عَزَ وَجَلْ قَالْ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ تَوَفَتْهُمْ رُسُلُنَا بُهُمْ لَا يُفَرِّتُونَ. Que jusqu'à ce que la mort parvienne à l'un d'entre vous, et que nos messagers lui prennent son âme, et qu'ils ne font pas preuve de négligence. Cela montre bien que l'ange de la mort n'est pas seul à agir, bien qu'à la base, c'est lui, on va dire, le responsable principal de cette tâche-là. Également dans ce hadith, on y voit, si confirme ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Anna al-a'mal bil-khawatim » que les actes ne valent que par la fin, c'est-à-dire sur quoi tu meurs en réalité. la fin de ta vie. C'est cette chose-là la plus importante qui sera pour toi. Wanel Armel bin Niyat, que les actes ne valent que par leurs intentions. Et que la personne sera jugée sur ce quoi elle est morte. Quand bien même cela serait le dernier moment de sa vie, qui meurt sur un bien, ce bien-là pourra l'emporter sur tout le mal qu'il aurait pu faire auparavant. Comme a dit le hadith, Ibn Mas'ud également, que cela est lié au qadar. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون حتى ما يكون بينه وبينها إلى زراع فيسبقه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع فيسبقه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Que l'un d'entre vous commet les actes des gens du paradis, c'est-à-dire que des actes de bien, à tel point qu'il en vient une coudée du paradis. Et que de là, il se voit précédé par son livre, c'est-à-dire son destin. Il se met à agir comme les gens de l'enfer, et il meurt et se met à rentrer en enfer. Et le contraire également. Que des gens font des actes comme cet homme, des actes des gens du feu, à tel point qu'il ne reste qu'une coudée entre eux et le feu, qui sont sur le point de mourir et d'entrer en enfer, et que là, leur destin les rattrape, et qu'ils se mettent à agir parmi les gens du Jannah, et ils finissent par rentrer au Jannah en mourant sur les actes des gens du Jannah. Hada bin Hada. Cela rentre et va ensemble, cela est similaire. Également parmi les choses qu'on y trouve, c'est que Allah Azawajel ne nous a pas imposé le résultat. Il nous a posé de prendre des causes. Ce qui est attendu de Bani Adam, c'est de prendre des causes et non pas de s'imposer un résultat. Le résultat, ou lui, n'incombe qu'à Allah Azawajel. Car il se peut que ce résultat nous était incombé, on se surchargerait d'une chose que Allah ne nous a pas imposée. Et de quand bien même ces causes à prendre, ces causes sont à prendre en mesure de nos capacités, comme le Ta'ala, wa attaqullaha mastata'tum, et craignez Allah comme vous le pouvez. Wa qala Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, que Allah n'impose pas une charge si ce n'est ce qu'elle peut supporter. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ma nahaytukum anhu fashtanibuhu, wa ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tum. Ce que je vous ai interdit, éloignez-vous-en. Et ce que je vous ai ordonné ou imposé, faites alors comme vous le pouvez. Donc nous, on doit juste prendre les causes. Comme a dit Azawajel, innama alayka al-balagh wa alayna al-hisab, que toi tu n'as qu'à retransmettre et que les comptes nous reviennent à nous. Donc Allah, pour que cette tauba de cet homme soit acceptée, qu'est-ce qui lui a été demandé? D'être sincère et de partir. Qala ta'ala, wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudriku al-maut faqad waqa'a ajruhu ala Allah, que celui qui sort de sa maison en tant que muhajir vers Allah et son messager, puis est atteint par la mort, que la mort le rattrape, alors sa récompense revient à Allah, Azawajel. Wa kana Allahu ghafuran rahima, et que Allah est pardonneur et miséricordieux. C'est-à-dire que Allah a mis comme condition que tu sortes de chez toi, et non pas que tu arrives en ce lieu. Que tu partes de chez toi avec niya de faire cette chose-là. Tu as pris les causes et tu l'as faite. Car si jamais le but était d'arriver, cet homme-là n'aurait pas été pardonné. Mais il a été récompensé pourquoi? Du fait qu'il est parti sincèrement. Et il est mort avant d'arriver à destination. Pas même, mais comme sa niya était bonne, sa tauba lui est acceptée. Donc nous, on doit prendre les causes. Et combien de gens ont voulu s'imposer les résultats et de là ont dévié. Et de là sont tombés dans des bid'a et dans des mukhalafat nombreuses, du fait qu'ils sont imposés un résultat que Allah ne leur a pas donné. Nous, on a juste à faire les causes. Et également, ce hadith nous indique le fait qu'un juge, comme ce fut le cas de cet ange qui est venu juger entre les anges du azab et les anges de la rahma, que le juge, lorsqu'une chose ne lui est pas claire, il peut émettre un jugement en mesure des indices qui lui sont indiqués. Il peut agir en fonction des indices et non pas forcément des preuves. Car là, il a dit, mesure entre les deux terres et celle dont il est la plus proche, alors il lui sera attribué. Ce fut le cas de Suleyman alayhi salam, lorsqu'il jugeait entre ces deux femmes, dont une grande et une plus jeune, qui avaient toutes les deux un enfant. Et la plus grande, son enfant a été mangé par le loup pendant la nuit. Et le lendemain, elle a voulu prendre l'enfant de l'autre. Elles sont rendues auprès de Daoud pour qu'il juge entre les deux. Et Daoud donnait l'avantage à la plus grande, du fait qu'elle était plus âgée. Puis elles sont rendues auprès de Suleyman alayhi salam, qui lui dit, amenez-moi un couteau, et l'enfant je vais le couper en deux. La plus jeune a dit, là, laisse-le, c'est son enfant à elle. Laisse-le. Et de là, Suleyman, lorsqu'il a vu la rahma de cette femme pour l'enfant, a jugé que cette femme-là était la mère de l'enfant, la plus jeune. Et de là, il a dit que l'enfant lui revenait à elle. Il a jugé selon quoi? Selon les qara'in, selon les indices. Donc cela est permis également aux religions d'agir selon le qara'in. Donc là, savoir qu'il y a bien d'autres fawaïd qu'on pourrait prendre de ce hadith, mais naktafi bihada, fa'in ata'tu fa min nafsi wa min ash-shaytan wa nasabtu fa min Allah. Fa nas'alallah an yuwaffiq al-jami'a bima yuhibbu wa yardah. Subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.